Les Nuits Terribles par Alphonse Brault. Première série, Le crime de la Duchesse. Quatrième partie, Le drame du fier. Chapitre 1er, L'entrée en campagne. Mai tirait à sa fin. Un mois s'était écoulé depuis la nuit terrible où la Duchesse de Vallombreuse, sous l'influence du breuvage que Scabieuse lui avait fait prendre, et inconsciente de ses paroles et de ses actes, avait révélé le secret, jusqu'alors ignoré, de la condamnation de Flavien Morin, et signé de sa main cette révélation redoutable. Aucun fait important ne s'était produit. La vente du château de Faubourlois avait payé les dettes d'Octave, et devant ce sacrifice de sa mère, le jeune duc repentant avait promis de s'amender, sauf à ne pas remplir sa promesse. Les terreurs causées à la duchesse par le mystérieux avertissement du vicomte de Kerlusset, et qu'avait corroboré la disparition de la lettre du feu-duc, s'étaient peu à peu, non pas évanouies, mais affaiblies, lorsqu'un événement vint de nouveau jeter le trouble dans l'hôtel de la rue de Varennes. Madame de Vallombreuse, un matin, fit appeler Scabieuse. On la chercha partout, on ne la trouva point. La matinée et la journée se passèrent sans qu'elle parût. Qu'était-elle devenue? Pourquoi ce départ, que rien n'avait fait pressentir? En effet, elle semblait s'y attacher à ses maîtres. Avait-elle trouvé une condition plus avantageuse? Mais rien ne lui manquait chez la duchesse, où tout le monde l'avait pris en affection et la choyait. C'était de sa part une ingratitude sans nom. Enfin, tous les gens de l'hôtel se perdaient en conjectures. Ève et Marcel s'en affligèrent. Leur mère s'en effraya. On se souvient que le vicomte de Kerlusset, dans la lettre qu'il avait adressée à Maurice de Lavernay, quelques semaines avant le voyage au château de Faubourlois, disait que la duchesse avait un ennemi secret. Or, la duchesse se demandait si la jeune négresse n'était point l'agent occulte de cet ennemi, et si ce n'était point elle qui avait soustrait la lettre du duc de Vallombreuse ou favorisé sa soustraction. Toutefois, et après avoir admis cette supposition, elle se dit que cette lettre, même au pouvoir d'une main ennemie, ne pouvait pas servir d'arme contre elle. En effet, que contenait-elle? L'aveu de l'amour de son mari pour Flavia et pas autre chose. Cette réflexion, très logique d'ailleurs, dissipa ses appréhensions, et elle ne vit plus dans le départ ou la fuite de Scabieuse qu'un de ces faits bizarres dont la cause lui échappait. Pendant que ceci se passait à l'hôtel de la rue de Varennes, un complot s'organisait dans l'hôtel de l'avenue de l'Impératrice. Plusieurs entrevues avaient eu lieu entre Flavia, Salabert, Martineau et le docteur Cabarrox. Maître Maxou s'était tenu à l'écart, il observait. Flavia, l'âme du complot, avait distribué un rôle à chacun de ses auxiliaires. Martineau, en sa qualité d'ami intime de Célestine Marbeau, avait été chargé de traiter à fond la question Octave de Vallombreuse. Salabert, qui avait précédemment fourni de précieux renseignements sur le baron Horace de Lavernay, eut pour mission d'épier les faits et gestes du frère d'Athénaïs à l'aide d'agents largement rétribués. Le docteur Cabarrox, qui avait les pieds dans les deux camps, devait informer l'ex-institutrice de ce qui pourrait se passer d'important rue de Varennes. Un soir, à l'issue de l'un de ses conciliabules, Flavien prit Martineau à l'écart et lui dit à mi-voix: amenez d'ici à 3 mois les choses où je veux qu'elles soient, et je vous remettrai les fonds nécessaires pour fonder un journal. Et moi, dit Salabert, qui s'était sournoisement approché, est-ce qu'on m'oublie? Nous songeons à vous chercher une étude, quand le baron de Lavernay aura réalisé les espérances qu'il donne, repartit Flavia Morin. S'il en est ainsi, je me vois installé sous peu dans un fauteuil de notaire, reprit le maître clerc en se frottant les mains.